Chapitre 3e, je reparle. Ne vous fatiguez pas trop de mes migrations, cher lecteur. Nous voici à la dernière étape. Après une traversée, tant maritime que terrestre, que ne signala aucun incident digne d'être transmis à la postérité, nous débarquâmes à Beyrouth. J'avais accepté de mon vœu de silence, je crois vous l'avoir dit, l'accomplissement de mes devoirs religieux. J'avais stipulé avec moi-même que dans toute résidence, je pourrais entretenir librement celui que je choisirais pour le père de mon âme. À Beyrouth, donc, j'allais trouver un certain lazariste, homme de grand sens et de grande piété, à qui je racontais mon histoire tout en lui demandant quelques directions pour ma nouvelle vie. À propos de mon vœu, j'oubliais de vous dire que je m'en préoccupais à tort. Il était périmé depuis longtemps. Il y avait 12 ans que j'étais marié, et je n'avais promis le silence que pour une période de 10 années. Mais je me croyais malade ou du moins susceptible de retomber, et c'était pour raison de santé que je comptais persévérer dans mon mutisme. « Mon cher enfant, me dit le missionnaire, quand il m'eut écouté, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Le temps de parler est venu pour vous. Votre bronchite, je suis moi aussi, comme tout missionnaire, un peu médecin. Votre bronchite, c'est, croyez-moi, de l'histoire ancienne. Dans ce qui vous en reste, je ne vois plus guère que de la manie. Pensez-vous que si cette fameuse bronchite avait dû se réveiller, les brouillards, les neiges et les froids de la Norvège ne lui eussent pas été de plus prompts excitateurs que l'usage modéré de la parole? D'ailleurs, c'est Dieu qui de si loin vous amène sur notre plage. Il règne en ville et dans les villages voisins une terrible épidémie. Que votre cœur paternel ne s'alarme pas. Le mal n'atteint guère que les pauvres et ceux qui, tout entiers au fatalisme et à la malpropreté musulmane, amassent dans leurs demeures étroites et leurs ruelles fétides de trop sûrs aliments pour le fléau. Mais que votre cœur de chrétien et de médecin s'émeuve. Notre personnel médical est beaucoup trop restreint. Vous savez le français, l'espagnol. Vous êtes bien près de savoir l'italien. Votre histoire d'ailleurs montre que vous avez pour les langues une aptitude marquée. Renoncez donc au silence et venez soigner nos pestiférés. Ce n'est pas Bathilde qui eût apporté l'ombre d'une objection à ses conseils de dévouement. Je me mis donc à visiter les pauvres de la ville et des environs, catholiques, grecs, juifs, turcs. Je guéris nombre de malades. La mode s'y mit et ne contribua pas peu au succès de mon ministère. La foi, même la foi humaine au savoir du médecin, opère des miracles. Elle remonte le moral du malade, et que de malades succombent parce qu'ils s'abandonnent d'eux-mêmes. Un jour que le fléau commençait à céder, une députation de convalescents de toute religion et presque de tout rang vint chez moi pour me remercier. Un capitaine espagnol que j'avais soigné au grand hôpital portait la parole. Son discours fut un chef-d'œuvre. Cet homme, qui n'avait de sa vie harangué que ses soldats et encore en 4 mots, trouva dans son cœur des accents qui remuèrent profondément le cœur des assistants. Je devrais dire de ses co-orateurs, car tous semblaient parler avec lui, tant les moindres mots du capitaine se reflétaient dans ses regards fixés sur un même point, dans ses bouches entr'ouvertes comme pour boire ses paroles, dans ses mains tendues vers moi, dans ses poitrines haletantes que soulevait, comme en mesure, l'enthousiasme de la reconnaissance. Cette émotion augmenta encore pendant ma réponse. La députation congédiée, je retournai tout attendri vers Bathilde, que je trouvais sombre pour la première fois de sa vie. Je lui demandai la cause de cette soudaine tristesse. Bathilde ne savait pas dissimuler sa pensée. Elle prit son ardoise. « Cher ami, écrivit-elle, à Dieu ne plaise que je regrette mon infirmité. C'est grâce à elle que je suis devenue ta femme. Et après le bonheur de connaître et d'aimer Dieu, je ne conçois pas de bonheur plus grand que d'aimer mon cher Christophe. J'ai donc pour moi Dieu, toi, nos enfants, la fortune, le pouvoir de secourir les malheureux. Eh bien, comme il faut toujours que l'homme désire quelque chose, voici que tout à l'heure, en écoutant le discours de cet officier, en suivant sur tous ses visages l'impression produite par son allocution et par la tienne, je me suis senti prise d'un violent désir de t'entendre et de te parler. C'est fou, je le reconnais, et je vais m'attacher à combattre cet absurde caprice. Mais tu me demandais la cause de mon chagrin, il a bien fallu te la dire. » Ami lecteur, si par hasard vous ne croyez pas au miracle, Et si vous pensez que Dieu a bien pu en opérer quelques-uns aux premiers âges du monde, mais que le progrès des Lumières et de la civilisation a supprimé cet abus, laissez là mon histoire, car je vais vous scandaliser. Moi, je crois au miracle. Et j'estime qu'il n'est presque pas de chrétien, pourvu qu'il soit sincère et simple, à qui Dieu n'ait, au moins une fois en sa vie, montré un miracle. Surtout, vous devez penser que je me garderai bien, par respect pour des théories très contestables, de supprimer un fait que j'ai vu de mes yeux et touché de mes mains et qui est d'ailleurs comme le point culminant de notre histoire. Donc, et ne parlant plus que pour ceux qui ont la bonté de ne pas mettre de borne à la toute-puissance du Créateur, je poursuis ma narration. Je fus frappé de ce regret de ma femme. D'elle, ma pensée se porta sur nos fils. Déjà, l'aîné sortait de l'adolescence pour entrer dans cette orageuse saison de la jeunesse. Les autres le suivaient de près. Que deviendraient-ils, les pauvres enfants, avec leur triste infirmité? Sans doute, j'avais une assez belle fortune pour qu'ils ne manquassent jamais de rien et que leur vie dût s'écouler tranquille et riante. Sans doute, ils avaient toujours montré une piété qui nous ravissait et qui donnait pour l'avenir de belles espérances. Mais cependant, quel malheur pour ces jeunes hommes de se voir fermer toutes les carrières. Quelle ressource de moins contre l'ennui, contre les tentations sans nombre qui naissent de l'oisiveté. De fil en aiguille, j'en vins à me dire « Dieu sait bien ce qu'il nous faut, et il aime la confiance de ses petits serviteurs. J'allais trouver mon missionnaire. « Cher père, lui dis-je, vous m'avez ordonné de reprendre l'exercice de la médecine, je l'ai fait. Dieu a béni mes travaux, et c'est par milliers que l'on compte les malades que le grand médecin a guéri par mes faibles mains. Vous m'avez ordonné de parler, j'ai parlé. Mais aujourd'hui, je regrette presque de vous avoir obéi, car voici que ma femme, une femme d'une admirable résignation et qui a toujours trouvé bien fait tout ce que Dieu faisait, voici qu'elle est prise tout à coup d'un violent désir d'entendre et de parler. Et voici qu'en y réfléchissant, je me dis que c'est un grand malheur pour mes trois garçons que d'être ainsi sourd-muet, non seulement un malheur, mais un grand danger pour leur âme. Je viens donc vous conjurer de rendre la parole à ma femme et à mes enfants, afin que tous ensemble nous louions le Seigneur, que mes fils rentrent dans le commerce des hommes, et que cet instrument que tant d'âmes perverses emploient au mal, ils puissent, eux, le consacrer au bien. Demandez à Dieu ce miracle, il vous l'accordera, j'en suis sûr. » Le père passa en prière plus d'un quart d'heure. Il se releva. « La parole est rendue aux vôtres, me dit-il. Qu'il n'en abuse jamais. » J'étais aussi certain du miracle que si je l'avais déjà entendu de mes oreilles. Quand je rentrais chez moi, je trouvais Bathilde et nos enfants tous quatre à genoux. Ils offraient à Dieu les prémices de leur voix. Ils récitaient, ou plutôt ils chantaient, le Te Deum. Vous vous doutez, n'est-ce pas, de la manière dont cette étrange guérison fut accueillie par mes confrères et doctore corporae. Plusieurs furent embarrassés. Quelques-uns eurent l'audace de trouver la chose toute naturelle. S'ils avaient pensé que rien n'est plus simple, en effet, que de voir Dieu accorder à la foi d'un saint comme le Père, une éclatante dérogation aux lois de la nature, c'eût été de leur part une pensée bien sage et bien courageuse. Mais assurément, ils ne l'entendaient pas ainsi. Que vous dirais-je encore? Nous revînmes en France, mes fils, heureux plus qu'on ne peut l'exprimer d'un bien dont l'absence pourtant ne leur avait causé nul regret, s'élancèrent avec ardeur dans les divers sentiers de la vie. Ils sont maintenant entre 20 et 25 ans. L'un est médecin, l'autre architecte, Oscar est marin. Ce sont tous d'honnêtes jeunes gens, ce qui veut dire que dans l'accomplissement exact et empressé de tous leurs devoirs, ils n'oublient jamais, les premiers de tous, leurs devoirs envers Dieu. Quand je les vois occuper dignement leur place, chacun dans une carrière honorable, et contribuer pour leur part à la diffusion des bonnes doctrines, à la lutte contre cette horrible propagande du mal qui menace sans cesse de nous submerger. Quand je réfléchis à la vie relativement oisive, oiseuse du moins, qu'ils eussent menée, s'ils fussent demeurés dans les liens de cette triste infirmité qui m'avait tant réjoui à leur naissance, quand je me les représente consommateurs improductifs, passant languissamment leur journée au milieu des aises de la vie, trompant l'ennui et le vide de leur existence par de perpétuels et inutiles voyages, Je ne saurais vous dire combien je bénis Dieu du miracle dont ils ont été l'objet. C'est là le beau côté de la médaille. Et le revers, le voici. Ma femme et moi sommes-nous plus heureux depuis que nous sommes rentrés dans la vie commune, depuis que nous avons dit adieu à ce silence forcé pour Bathilde et chez moi volontaire, qui nous isolait presque du reste du monde et nous laissait tout entier à Dieu, à nos pensées, à nos devoirs, à notre mutuelle tendresse. Je ne le crois pas. J'ai ma femme, le désir de la parole fut évidemment une fantaisie. À quoi bon désirer un bien dont on a vaillamment supporté l'absence pendant les trois quarts de sa vie? Mais Dieu, qui ne fait rien sans de très sages motifs, se proposa sans doute un triple but en exauçant une requête un peu indiscrète. 1. Il voulut augmenter notre foi par cette apparition en quelque sorte immédiate et irrécusable de sa toute-puissance. 2. Il voulut se faire, en la personne de nos fils, d'utiles et ardents serviteurs. Et j'ai dit plus haut comment ils se sont montrés fidèles à cette noble mission. 3. Nous étions trop heureux. Dieu voulut, en nous rendant la parole, en nous replaçant au milieu du bruit et des propos du monde, mettre dans notre vie une épine qui lui manquait. Une source intarissable d'ennuis et de menues épreuves, par où nous puissions payer quotidiennement ce tribut de souffrance auquel chaque homme est tenu. Après l'enivrement des premiers jours, même des premières semaines et des premiers mois, un soir, nous causions ensemble, Bathilde et moi, au retour d'une série de visites. Il avait bien fallu revoir mes parents, les anciens amis de ma famille, leur présenter ma femme, faire pour ainsi dire nos visites de noces, après tout à l'heure 20 années de mariage. Comme nous supputions le pour et le contre de notre changement de position, que nous reprenions l'apologue d'Ésope sur la langue, à la fois la meilleure et la pire chose du monde, nous convînmes que s'il ne s'agissait que de nous, si nous pouvions faire abstraction de nos enfants, nous étions assurément plus heureux. Il y avait 6 mois à Beyrouth et 6 ans plus tôt à Ouroum et 12 ans auparavant à Miras. En effet, par notre infirmité, nous payons notre dette de souffrance et de privation. Il faudra bien la payer autrement. Nous la payions, ou plutôt, nous l'avions payé une fois pour toutes. Est-ce que nous en souffrions? Nous y étions si bien habitués. Nous ressemblions au myope, qui vit avec sa vue basse, aussi calme et aussi heureux que si chacun de ses yeux égalait en puissance le grand télescope d'Herschel. Enfin, et c'était le point capital, en retrouvant le sens de l'ouïe, ma femme m'avait fait d'horribles découvertes. Douée d'une extrême délicatesse de conscience, elle n'avait même pas soupçonné jusqu'ici les délits, c'est trop peu dire, les crimes de langue, les médisances doucereuses, les calomnies éhontées, les murmures impies aussi bien à l'encontre des moindres épreuves que des grandes calamités, l'erreur professée avec cynisme ou sourdement propagée, Dieu blasphémé, le mal encensé, le bien tourné en ridicule, les oreilles des enfants offensées par des propos impurs, tout ce flot de prévarications de tout genre, qui ont fait dire à l'apôtre saint Jacques que celui-là est parfait qui ne pêche pas par la langue. Certes, jamais la bouche pieuse, pudique, charitable, indulgente de Bathilde ne se joignit à cet exécrable concert qui, comme le sang d'Abel, monte et crie vengeance vers le ciel. Mais, bien qu'elle ne fréquentât qu'une société honnête, que nous prissions rarement part aux divertissements du monde, que de fois ses oreilles ne furent-elles pas blessées par tous ces excès de la parole que nos oreilles blasées perçoivent à peine. Au risque de vous entendre accuser mon histoire de finir en queue de rat, je m'arrête ici. Je n'ai plus d'événements notables à vous raconter. Notre vie se résume en 2 mots. Nous parlons peu. Mais si peu que nous fréquentions les compagnies, nous ne pouvons nous dispenser d'entendre, sinon d'écouter. Que de fois, rendu au silence de notre intérieur, Bathilde s'est écriée « Oh ! Qu'on est heureux d'être sourd. » Puis, comme se repentant de cette exclamation, « Non, » dit-elle, « tout ce que le bon Dieu fait ou défait ou refait est bien fait. Résignons-nous donc même à ne plus appartenir au troupeau de l'abbé de l'épée. » Et pour la fortifier dans cette résignation, je lui lis quelques versets de Dante ou quelques strophes de Lamartine. Ou bien Oscar, qui est excellent musicien, lui joue sur son violon un bel andante de Haydn. Ainsi s'achève « Histoire d'un bavard » extrait du recueil Contes et nouvelles d'Eugène de Margerie.